Yo, je débarque du poids, mec. T'es au poids, mec. Là où l'on dort, fusil à pompe dans les draps, mec. Tête cramée, pas peur de drame. Dessous la trappe, négro hunter comme le drone. Mais fout de la basse qu'on explose la salle. Pour les chiens de la casse, yeah. Les hyènes ont pris les clés de la cage. Les rappeurs perdent la face depuis la cave. On tire sur les inspecteurs, on veut la place. On est toujours armés. Dans un putain de 4x4, on quitte le 9x4 pour faire du bif. Toujours vif, t'écoutes mon son et tu te crois au Queensbridge. Predator hors norme, j'aime pas comme les bridges. J'aime pas les ordres ni les forces de l'ordre comme B.I.G. Mon son découpe au rasoir, il est hors la loi. Sous mon timbre de voix. Sous mon timbre de voix, sous mon timbre de voix. Débarque du bois, mec, quitte au bois, mec. Là où l'entour, fusil à pompe sous les draps, mec. Get, cramé, get, tête cramée. On arrive balèze sur les ondes. Débarque du bois, mec, quitte au bois, mec. Là où l'on dort, fusil à pompe sous les draps, mec. Get, cramé, get, tête cramée. Le bois toujours légendaire dans l'eau. Mais get, get, négro t'es dead. Une balle dans la tête, c'est l'hyène qui te pèse. Boy. C'est la banlieue sud qui chante la guerre. La hyène est capuche au micro qui blesse, yeah. Héritier des Perses, si tu tombes c'est le Hebs. Et boy, on arrive en force avec des forceps. Dans le rap game, y'aura des victimes. L'ambiance est mortelle comme la fin de Scorsese, yeah. Mettez les masques à gaz, et oui mon pote. L'ambiance est sale comme une vieille salle de boxe. Salope, faut mettre à l'abri les gosses. Mon son c'est un calibre à l'école, wow. On t'arrache les tympans. Ton rap français c'est barré en rampant. Depuis que j'ai mis les gants bang. La rue toujours criminogène, banlieue parisienne, jeune et mauvaise grainier. Débarque du bois, mec, quitte au bois, mec. Là où l'on dort, fusil à pompe sous les draps, mec. Get, get, cramé, get, tête cramée. On arrive balèze sur les ondes. Débarque du bois, mec, quitte au bois, mec. Là où l'on dort, fusil à pompe sous les draps, mec. Get, get, cramé, get, tête cramée. Le bois toujours légendaire dans l'eau. Get, get, négro décret. Poil dans la tête, les hyènes te créent. La banlieue sud qui te perturbe la règle. La hyène est capuche, son microphone check ça. Héritier du trône, on fait briller le chrome. Et Paul, on déboule, on blesse fort avec nos grosses coronnes. Y'aura des victimes, l'ambiance est mortelle comme une virée dans Queensbridge. Sortez les masques à gaz, et ouais mon pote, l'ambiance est sale comme le parcours d'un tox. Salope, tu voles la tirelire des gosses. Mon son un calibre, l'école un fameux mort. T'arraches les tympans, le rap qui se bat en grinçant. J'ai le sang froid, ils mettent leur sang dans les glaçons. La rue est toujours criminogène. Banlieue parisienne, le mal qui te gangrène. Yo, je débarque du bois, mec, quitte au bois, mec. Là où l'on dort, fusil à pompe dans les draps, mec. Tête cramée, pas peur de drame. Dessous la trappe, négro hunter comme le trône. Mais fout de la basse qu'on explose la salle. C'est pour les chiens de la casse, yeah. Les hyènes ont pris les clés de la cage. Les rappeurs perdent la face depuis la cave. On tire sur les inspecteurs, on veut la place du boss. Départ du bois, mec, quitte au bois, mec. Là où l'on dort, fusil à pompe sous les draps, mec. Get, get, cramé, get, tête cramée. On arrive balèze sur les ondes. Départ du bois, mec, quitte au bois, mec. Là où l'on dort, fusil à pompe sous les draps, mec. Get, get, cramé, get, tête cramée. Le bois toujours légendaire dans l'ombre.